Qu'est-ce qu'il y a, Croc? C'est rien qu'une mauvaise passe, à ce qui paraît, ouais, je te mentais pas. Je m'entête pas et tant que je vivrai, je dirais que je manque d'espace. Façon, je suis là sans y être, façon. Je perds ma raison de vivre, pourtant je souris comme ce père qui fait marrer son fils. Ok, je veux pas te mentir, moi je fais qu'à pas te mentir. Je me prends des coups de cible quand le mauvais œil me fait des battements de cible. Je manque de time, je gratte donc je demande de taf. Ouais, je vois qui se fait tard. Et quand je te parle, c'est vrai que je manque de tac. Je pense mes plaies, frère, je fais tout pour que l'ennemi perde. Hein, ce monde c'est pas le mien, alors je crois pas qu'un jour je pourrais m'y plaire. Je manque de but en fait, laisse-moi seul que je m'enterre. J'ai l'impression que je m'enterre quand je m'enterre. J'ai plus que ma paire de couilles. En vrai, j'ai perdu le goût. Moi, je roquais ma vie. Est-ce de ma faute si j'en ai perdu le goût? Je parle de con, je m'esquive. Je mets des feintes aux cons. Ils se marièrent des enfants. Pareil, je connais la fin de ton compte. Nous entend-il? Je sais pas. Je me dis pendant que je tease. Moi, j'ai qu'une corde au cou que je porte comme un pendentif. Mes marques s'estompent. Si se paraît, je tombe en 4 secondes. Putain, j'ai trop de monde. Et tu sais le comble, c'est qu'aucun ne se comble. Mes frères, pardon, un jour je pourrais que je vous mente à vous. Quand j'ai celui de ma mère, j'irai jamais que je suis en manque d'amour. Je reste seul. Alors ma paix, je refuse. Ta demande. Si j'aime le rap, c'est que je finis texte avec un état. Parfois je me dis qu'on est en manque de tout, mais te demande pas pourquoi. Et juste pour voir, faudrait qu'Azik nous lâche quelques pourboires. En manque de qui, de quoi, en manque de ci, de ça, en manque de toi. Mes nerfs à vivre, jamais en manque d'espoir. Ouais, en manque de tout, te demande pas pourquoi. Et juste pour voir, faudrait qu'Azik nous lâche quelques pourboires. En manque de qui, de quoi, en manque de ci, de ça, en manque de toi. Voilà un soir de plus, je me dois d'écrire vu que j'en ressens le besoin. Mon cœur est plein de plaies car certains manquent ne lui procurent trop peu de soins. Manque de toi, ouais c'est vrai, ce mal me scie les côtes. Parfois je réentends ta voix mais je me perds en voulant suivre l'écho. Là j'ai mis toutes mes douleurs dans ma plume. J'avance mais j'y vois rien, enfin jusque mes doigts te dessinent dans la brume. Un manque de choses simples, une attention, un mot doux. T'emmener faire un tour, j'avais la clé du bonheur. Je l'ai perdu et j'avais pas fait double. Je bois, je fume quand la panique s'amène. J'ai trouvé aucune réponse à mes remises en question. Alors panique sa mère, je fais des cauchemars. Certains souvenirs sont des horreurs. En manque de thunes, façon j'en aurais jamais assez pour payer mes erreurs. Je buvais tes mots, ça me saoulait de voir que t'attendais les miens. Je cache mes yeux pour pas voir la vérité, donc j'ai pas pu te tendre la main. Tu parles d'avenir, je vois pas plus loin que le bout de mon nez. Tu m'aurais tout donné, vive d'amour et d'eau fraîche si on manquait de monnaie. Bien sûr qu'on aurait pu, vu qu'on s'aimait tant. Je suis désolé d'avoir vu tes désirs comme un calibre sur ma tempe. Un bateau en papier en guise de barque. Tu me parlais de mariage, mais je voyais une auréole en guise de bague. J'ai pas eu les gestes ni les mots, donc je finis seul comme un con. Pour que ça marche, il suffit pas que les points communs comptent. En manque de tout, je le suis. Mais bon, je veux pas le rester. Je finis par avoir le somme contre toi plutôt que du respect. Parfois je me dis qu'on est en manque de tout, mais te demande pas pourquoi. Et juste pour voir, faudrait qu'Azik nous lâche quelques pourboires. En manque de qui, de quoi, en manque de ci, de ça, en manque de toi. Mes nerfs à vivre, jamais en manque d'espoir. Ouais, en manque de tout, te demande pas pourquoi. Et juste pour voir, faudrait qu'Azik nous lâche quelques pourboires. En manque de qui, de quoi, en manque de ci, de ça, en manque de toi. Mes nerfs à vivre, jamais en manque d'espoir.